Chapitre 5. Se sentir constamment surveillé par Allah. Allah Ta'ala dit: Qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Sourate 26, versets 218-219. Il est avec vous où que vous soyez. Sourate 57, verset 4. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Sourate 3, verset 5. Inna rabbaka labil mirsad. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Sourate 89, verset 14. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Il, Allah, connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Sourate 40, verset 19. Les versets concernant ce chapitre sont à la fois nombreux et notoires. 60. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, rapporte. Alors que nous étions un jour assis en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un homme se présenta à nous, portant des vêtements extrêmement blancs, les cheveux très noirs, et sans que l'on distingue sur lui des traces de voyage. Pourtant, aucun d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit près du prophète, alayhi salatu wassalam, ses genoux contre ceux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la paume de ses mains sur ses cuisses. Puis il dit « Ô Muhammad, parle-moi de l'islam. » Il, alayhi salatu wassalam, répondit « L'islam consiste à témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, à accomplir la salat, à s'acquitter de la zakat, à jeûner le mois de Ramadan et à accomplir le hajj à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. » L'homme répondit « Tu dis vrai. » Nous fûmes surpris de son acquiescement alors que c'est lui-même qui avait posé la question. L'homme poursuivit « Parle-moi de la foi. » Il, alayhi salatu wassalam, dit « Il s'agit de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » Il dit « Tu dis vrai. » L'homme dit alors « Parle-moi de la vertu, ihsan. » Il, alayhi salatu wassalam, répondit « C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. » Il dit encore « Parle-moi de l'heure. » Il, alayhi salatu wassalam, répondit « Celui qui est interrogé n'en est pas plus informé que celui qui pose la question. » Il dit « Indique-moi ces signes précurseurs. » Il, alayhi salatu wassalam, dit « Lorsque la servante donnera naissance à sa maîtresse, et que tu verras les va-nu-pieds, dénudés, sans le sou, gardiens de moutons, rivaliser dans la hauteur des édifices. » Puis il s'en alla, et je restai ainsi quelque temps. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, me dit alors, « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?» Je répondis, « Allah et son messager le savent mieux. C'est Gabriel, Djibril, venu vous enseigner votre religion, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Muslim. 61. D'après Abu Dhar, Jundub ibn Junada et Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par la bonne action. Elle l'effacera. Et comporte-toi bien avec les gens. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 62. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporte. Alors que je me trouvais en croupe, derrière le prophète, alayhi salatu wassalam, il me dit, ô garçon, je vais te donner certains enseignements. Observe les prescriptions d'Allah, il te protégera. Observe les prescriptions d'Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Si tu dois demander, demande à Allah. Et si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Et sache que si la communauté entière se rassemblait pour te faire bénéficier d'un bien, elle ne te ferait bénéficier que de ce qu'Allah t'a destiné. Et si elle se rassemblait pour te causer un tort, elle ne te causerait que le tort qu'Allah t'a destiné. Les calames sont levés, ont cessé d'écrire, et l'encre des pages a séché. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. Dans une version autre que celle de At-Tirmidhi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, observe les prescriptions d'Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Souviens-toi d'Allah dans les moments faciles, il se souviendra de toi dans les moments difficiles. Sache que ce qui ne t'a pas atteint ne pouvait t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait que t'atteindre. Et sache que la victoire vient avec la patience, le soulagement après les soucis, et la facilité avec la difficulté. 63. Anas radiallahu anhu a dit « Vous commettez des actes qui, à vos yeux, sont plus insignifiants qu'un cheveu, alors que nous les considérerions du temps du messager d'Allah comme des péchés majeurs. » Al-Bukhari. 64. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ta'ala est jaloux de son droit à être obéi. Et sa jalousie se manifeste lorsque l'homme commet ce qu'Allah lui a interdit. » Al-Bukhari et Muslim. 65. Abu Huraira radiallahu anhu entendit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah voulut mettre à l'épreuve trois hommes des tribus d'Israël, un lépreux, un teigneux et un aveugle. Il leur envoya un ange qui vint voir le lépreux et lui dit « Que désires-tu le plus au monde ? Un bon teint, une belle peau et d'être débarrassé de cet état répugnant qui fait fuir les gens. » L'ange lui passa la main sur le corps, il guérit et eut une belle couleur de peau. L'ange lui dit « Quel bien désires-tu le plus au monde ?» Il répondit « Les chameaux ou les vaches, le rapporteur a un doute. » Alors on lui accorda une chamelle qui alla mettre bas et l'ange lui dit « Qu'Allah te la bénisse !» L'ange vint ensuite voir le teigneux et lui dit « Que désires-tu le plus au monde ?» Il répondit « De beaux cheveux et être débarrassé de cette souillure à cause de laquelle les gens se détournent de moi avec dégoût. » L'ange lui passa la main sur la tête. Il guérit et eut de beaux cheveux. L'ange lui dit « Quel bien désires-tu le plus au monde ? » Il répondit, « Les vaches. » On lui accorda alors une vache qui allait mettre bas, et l'ange lui dit, « Qu'Allah te la bénisse. » Puis l'ange alla voir l'aveugle, et lui dit, « Que désires-tu le plus au monde ? » Il répondit, « Qu'Allah me rende la vue et que je puisse voir les gens. » L'ange lui passa la main sur les yeux, et Allah lui rendit la vue. L'ange lui dit « Quel bien désires-tu le plus au monde ?» Il répondit « Les moutons. » On lui accorda une brebis très féconde. Les deux premières bêtes mirent bas, et la brebis eut un petit. Le premier obtint un troupeau de chameaux larges comme une vallée, le second un troupeau de bovins larges comme une vallée, et le dernier un troupeau de moutons larges comme une vallée. Puis l'ange vint voir l'ancien lépreux sous l'apparence d'un lépreux et lui dit « Je suis un homme misérable, un voyageur dont les ressources se sont épuisées. Seul Allah peut me venir en aide, puis toi ensuite. Je te demande, au nom de celui qui t'a donné ce beau teint, cette belle peau et ses biens, de m'accorder un chameau qui me permette de poursuivre mon voyage. » Il lui répondit « J'ai de nombreuses charges. » L'ange lui dit alors « J'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas ce lépreux dont les gens se détournaient, ce pauvre qu'Allah a enrichi ? » Il répondit, « Non, au contraire, j'ai hérité de ses biens de père en fils. » L'ange lui dit, « Si tu mens, qu'Allah te ramène à ton état précédent. » Il alla ensuite voir l'ancien teigneux sous l'apparence d'un teigneux et lui tint le même langage. Celui-ci lui répondit de la même manière. L'ange lui dit alors, « Si tu mens, qu'Allah te ramène à ton état précédent. » Il alla enfin voir celui qui avait été aveugle, sous l'apparence d'un aveugle, et lui dit, « Je suis un homme misérable, un voyageur dont les moyens se sont épuisés. Seul Allah peut me venir en aide, puis toi ensuite. Je te demande, au nom de celui qui t'a rendu la vue, de m'accorder un mouton qui me permette de poursuivre mon voyage. » L'homme lui répondit, « J'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Prends donc ce que tu veux. Par Allah, je ne te refuserai rien de tout ce que tu prendras aujourd'hui pour Allah Azza wa Jal. » L'ange lui dit alors, « Garde tes biens, ce n'était qu'une épreuve. Tu as obtenu l'agrément d'Allah et tes deux compagnons sa colère. » Al-Bukhari et Muslim. 66. Selon Abu Ya'la, Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « L'homme raisonnable est celui qui demande des comptes à lui-même et qui œuvre pour l'au-delà. Et l'incapable est celui qui suit ses passions et qui fonde de vains espoirs en Allah. » At-Tirmidhi a dit, « Hadith Hassan. » Hadith jugé faible par Sheikh l'Albani. Rahimahullah. 67. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas fait partie du bel islam. » Hadith authentique, rapporté par notamment At-Tirmidhi. 68. Selon Omar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme ne sera pas interrogé pour avoir frappé sa femme. » Rapporté entre autres par Abu Daoud. Note. Le hadith est considéré comme faible par certains savants. Hadith jugé faible par Sheikh l'Albani. Rahimahullah.